Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Frank Lloyd Wright, géant de l'architecture américaine. C'était l'architecte le plus américain, hein. Parce que l'architecture américaine, quand on regarde New York, il y a Gropius, il y a Mies van der Rohe, il y a tout ça, mais c'est l'école de Bauhaus, ce sont des Européens, tandis que Wright était un architecte qui était américain et qui n'avait pas subi d'influence étrangère. Il n'a pas été influencé par le Bauhaus ni par les Beaux-Arts. Frank Lloyd Wright, le plus américain des quelques grands architectes qui vont laisser leur marque aux États-Unis, estime le conservateur Luc d'Iberville-Moreau dans cet extrait de l'émission L'Art aujourd'hui en 1983. En plus d'être américain lui-même, il est vrai que l'architecture de Wright trouve ses racines profondes dans la nature qui l'entoure et cette architecture qu'on dit être organique est en ce sens effectivement éminemment américaine. So soon. On m'a accusé d'avoir dit que j'étais le plus grand architecte au monde. Mais si je l'avais dit, je ne crois pas que ça aurait été si arrogant. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de grands architectes. Pendant 500 ans, ce que nous appelions architecture n'en était pas. Ce n'était pas inné ou organique. Il n'y avait pas l'âme de la nature. In the sense that it was not innate, it wasn't organic, it didn't have the character of nature. I never left so long, so long, so long. Sur la chanson de Simon and Garfunkel, So Long, Frank Lloyd Wright, vous entendiez Frank Lloyd Wright en entrevue à la chaîne ABC en 1957 pour nous parler de l'importance qu'il a eue, Frank Lloyd Wright, nous décrire aussi sa vision de l'architecture. Mon invité est François Rémillard, qui est historien de l'architecture. François Rémillard, bonjour. Bonjour. Comment la définir, cette place? Quelle place il occupe, Frank Lloyd Wright, dans cette architecture américaine? Bon, il faut dire que c'est l'architecte sans doute le plus connu, le plus célèbre des États-Unis, toute époque confondue. C'est le grand maître de l'architecture, mais c'est aussi, et d'abord et avant tout, un artiste. Plus qu'un technicien, entre guillemets, de l'architecture. Bon, on évoquait Mies van der Rohe dans l'extrait, mais Mies van der Rohe, c'est quelqu'un qui construit des mécanos, enfin des structures. Alors que Frank Lloyd Wright, lui, change de style à tous les 10 ans, à peu près, et sa vie privée est intimement liée à son... au développement de son architecture. C'est un peu comme Picasso. Ça me fait penser beaucoup aux périodes bleues, périodes roses, comme le peintre Picasso. Là. Donc, on voit surréalisme, cubisme et tout ça. Alors, Frank Lloyd Wright, c'est un peu pareil. Alors, il change complètement de style. On pourrait penser que c'est une autre personne qui a conçu tel ou tel bâtiment 20 ans plus tard. Donc, c'est particulier. Et lui aussi, on le verra dans l'émission, donc il aura, comme Picasso, ses grandes périodes très définies dans le temps, très, très reconnaissables aussi dans le style d'architecture que ça nous donnera. Ça commence quand? Et dans quel contexte? Quand est-ce qu'il devient architecte, Frank Lloyd Wright? Ben, il est originaire du Wisconsin. Sa famille figure parmi les pionniers du Wisconsin, mais voyant que, bon, il n'y a peut-être pas grand avenir là, il va s'établir à Chicago. Et à Chicago, il épouse une dame qui s'appelle Catherine, puis dans les années 1880. Et là, il commence à travailler pour Sullivan, l'architecte Louis Sullivan, qui fait partie de l'école de Chicago, qui fait partie de la reconstruction de la ville après l'incendie de 1871 qui a dévasté, enfin qui a presque tout détruit dans Chicago. Alors la ville veut se reconstruire, mais veut se reconstruire aussi d'une manière nouvelle. Alors, à l'épreuve du feu, avec des structures en acier, l'usage du béton. Et Frank Lloyd Wright fait partie de ces apprentis qui vont reconstruire la ville. Il va être un petit peu arrogant, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre des commandes personnelles alors qu'il travaille pour Adler et Sullivan. et il va décider de construire des maisons, entre autres dans la banlieue de Oak Park, qui est un peu à l'ouest là, du centre-ville de Chicago. Et il va être congédié par Adler Sullivan parce qu'il prend des contrats à part. Alors, il va décider d'ouvrir son propre cabinet en 1893. Et en 1898, il va établir son cabinet chez lui, ce qui va être une constante jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Il naît en 1867, il meurt en 1959, donc à 91 ans. Ouais. Mais de 1898 jusqu'à la fin de sa vie, son bureau d'architecture, qui est plus un atelier de peintre, en fait. C'est plus, on se rapproche de l'artiste. Ouais. C'est pas dans une tour, c'est chez lui. Il n'y a que 10 pas à faire et il est rendu à son travail. Et c'est là donc qu'il va commencer son œuvre, si on peut dire. Il y aura une première petite période japonisante, puis on y reviendra parce qu'il va retourner au Japon un peu plus tard. On reviendra sur l'importance qu'a le Japon pour lui. Mais sa première grande marque, ce sera son style prairie, ces fameuses prairie houses qu'il va développer justement dans la banlieue de Chicago. Comment décrire, c'est important ça dans la signature déjà, Frank Lloyd Wright, comment décrire ce style-là? Oui, d'abord, pour le Japon, ben, il va être très impressionné par le pavillon japonais à l'Exposition universelle de Chicago en 1893. Alors, ça va influencer, je pense, son œuvre tout au long de sa vie. Oui. Ça, c'est une base. Après ça, ben, le style prairie. Le style prairie, c'est des lignes horizontales, c'est très près du sol. Contrairement à toutes ces structures victoriennes qui avaient tendance à être verticales. Hein? Oui. Les maisons Queen Anne, toujours des tours, des cheminées, tout va vers le haut. Alors que lui, il va faire des choses qui sont au ras du sol, tout en longueur, avec des toitures débordantes, des corniches, des terrasses et un lien avec la nature. Déjà. Oui, déjà, il y a un lien avec la nature. Ce qui est on le considère comme un des précurseurs de l'architecture moderne, mais il est original, il est unique en ce sens que le lien avec la nature est important, ce qui n'était pas le cas de Corbusier ou de Mies van der Rohe, qui posaient leur objet au milieu de nulle part et qui s'en foutaient carrément de ce qu'il y avait autour. On écoute le journaliste Jacques Folcribas justement nous parler de ce lien avec la nature qui va être là tout le temps, qui va s'intensifier en fait tout au cours de l'œuvre et de l'évolution de l'œuvre de Frank Lloyd Wright. Donc, lien avec la nature, puis vous allez voir, on revient aussi dans cet extrait de Jacques Folcribas à l'américanité de Frank Lloyd Wright, parce qu'on l'a pas dit, mais déjà, ces prairie houses, ça va avoir une influence énorme sur quelque chose de très américain, la banlieue. Jacques Folcribas, à l'émission Indicatif présent en septembre 1996. C'est-à-dire l'Amérique, c'était quoi? C'était la nature, c'était l'amour de la nature, c'était la liberté, et c'était surtout la construction en bois et en pierre, bien sûr aussi, mais la construction d'un pays qui était en train de se construire avec des déserts, avec des grandes forêts, et cette nature absolument fascinante, différente, très nue, finalement, très nue, avec peu de montagnes, mais beaucoup de mouvements de terrain, et cette architecture de pionnier, quoi. C'est une architecture de nature et organique, encore une fois, comme un corps humain, mm-hmm. si vous voulez. C'est une architecture qui est, si vous voulez, qui s'étend en organes, si vous voulez, de fonctions diverses, et qui s'étend vers l'extérieur, qui part toujours d'un noyau central. Que ce soit une cheminée, que ce soit un atelier de dessin, comme à Taliesin, son atelier, que ce soit un théâtre, et qui s'étend vers l'extérieur en prenant possession de tout l'espace, de toute la nature. Architecture de la nature, architecture organique, nous dit Jacques Folcribas. Dans l'extrait qu'on entendait au tout début de Frank Lloyd Wright, lui-même parle de cette importance de l'architecture organique. On parle de quoi quand on parle d'architecture organique? On parle d'abord du contexte, du respect du contexte. Hein, contrairement ça à d'autres qui vont implanter leur immeuble ou leur bâtiment en disant « c'est moi le maître » et puis « la nature n'a qu'à se tasser sur le côté ». Non, dans ce cas-ci, ils s'intègrent. Et ils vont même jusqu'à prendre des matériaux sur les terrains voisins. Dans le cas de Falling Water, la maison sur la cascade... Qui est probablement sa maison la plus célèbre. Sa maison la plus célèbre. Enfin, faut le faire quand même, construire une maison au-dessus d'une chute, d'une cascade. Et puis, Falling Water, il va prendre les pierres dans une carrière abandonnée voisine, sur le terrain du propriétaire de la maison. Alors là, on peut vraiment parler d'architecture organique ou naturelle. Moi, je préfère l'architecture peut-être... qui se font dans la nature, oui, qui s'intègre à la nature et qui même utilise dans les matériaux, c'est fou, oui, les éléments naturels qui l'entourent. Oui, oui. Donc, ça c'est... contrairement aux architectes de son époque, parce que c'est ça, il faut bien comprendre que c'est un architecte moderne qui fait partie de l'architecture, des pionniers de l'architecture moderne, mais il est très différent des autres. Ouais. Donc c'est ça, il regarde le site, il analyse le site, il dit qu'est-ce que je peux faire pour intégrer mon bâtiment à ce site. C'est très proche de ce qui se fait des tendances actuelles en architecture. Je pense évidemment à Pierre Thibault en vous écoutant, mais qui s'inscrit parfaitement dans cette démarche-là. On revient un petit peu, Falling Water, c'est donc cette grande œuvre, c'est à peu près 1935. On revient un petit peu sur le fil chronologique de l'œuvre et de la vie de Frank Lloyd Wright. En 1909, il y a un pivot important, un premier pivot important. Il décide de tout abandonner, son atelier, sa famille, femme et enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, c'est que l'architecture de Frank Lloyd Wright est intrinsèquement liée à sa vie personnelle. Alors, en 1909, il quitte femme et enfant à Oak Park, à Chicago. Il part avec une dame d'origine suédoise qui s'appelle Mema Bortwick. Il va en Europe avec elle. Et en revenant, il décide de construire un complexe résidentiel, scolaire, une ferme, enfin, ça se veut autonome, le moins de relations avec l'extérieur possible. Il veut produire sa propre électricité, l'approvisionnement en eau et tout, qu'il va baptiser Taliesin, du nom d'un barde, d'un poète gallois du 6e siècle, sa famille est d'origine galloise du côté de sa mère. Alors, il va baptiser ça, il va construire ce complexe et il va vivre là avec cette dame et ses deux enfants de 9 et 11 ans. Et en 1914, va survenir la tragédie que beaucoup de gens connaissent. Ça a même donné lieu à un opéra. Il y a un opéra qui a été créé à partir de ça. C'est le massacre total. Frank Lloyd Wright est parti à Chicago pour la journée pour travailler sur un projet. Et le chef cuisinier, en proie à une folie paranoïaque, tue sa maîtresse, Mema Bortwick, ainsi que ses deux enfants de 9 et 11 ans, et puis l'assistant de Wright, et puis quelques autres, d'autres personnes. Alors, et ensuite, il met le feu à Taliesin 1, parce qu'on peut parler ici de Taliesin 1. Frank Lloyd Wright va perdre la vue pendant quelques mois à la suite de ça, tellement il est traumatisé par cet événement, on le serait à moins. Ouais. Sa vie s'écroule tout d'un coup. Son atelier passe au feu. Il perd son amoureuse. Ouais. Donc, c'est vraiment horrible, cette affaire-là. Mais c'est parce qu'ils ont été assassinés aussi à coups de hache. Hein, c'est vraiment un massacre. Ouais. On parle pas de... Comment il va se remettre de ça? Qu'est-ce qui se passe pour lui après cette tragédie de Taliesin? Il va quand même reconstruire Taliesin. Ça va être Taliesin 2. Wisconsin, c'est au Wisconsin, près du lac Michigan, et il va partir pour le Japon après ça. Il va quitter pendant 4 ans, il va vivre au Japon, il a toujours été fasciné par le Japon, et il va aller construire l'hôtel impérial à Tokyo, qui a été démoli en 1969, mais le hall a été reconstruit dans un musée japonais. Alors, on peut toujours admirer le hall de l'hôtel. Ouais. Donc, Japon, il rentre ensuite aux États-Unis. Il rentre ensuite aux États-Unis. Et là, c'est encore le drame. C'est pas fini, son affaire. Parce qu'il rencontre une dame qu'il épouse, qui va devenir sa seconde femme, et qui va, un an après, être atteinte de schizophrénie. Ah bon? Alors, il va devoir la placer. Et en 1925, Taliesin 2 brûle. À cause d'un incendie électrique. Écoutez, moi, si j'avais été dans ces souliers, je serais à l'asile. Oui. Aujourd'hui, je serais incapable de récupérer d'une chose pareille. Un exemple de résilience, cette vie de Frank Lloyd Wright, parce qu'il va se remettre à travailler. Là, ce sera la période des grandes maisons en Californie, je pense. En Californie. Et là, il découvre ce qu'on appelle les Tex Tile Blocks. Tex, T-E-X, trait d'union, C'est un jeu de mots sur le textile, mais il s'agit de blocs de béton texturés et qui sont qu'ils forment comme de l'architecture précolombienne. C'est un peu de l'architecture maya. Il y a beaucoup de trucs maya. Il y a la Ennis House, il y a la Millard House. Si les gens veulent aller voir sur Internet, il y a de magnifiques images de ces maisons qui sont étonnantes en Californie. C'est l'époque californienne et c'est aussi l'époque où il découvre l'Arizona. L'Arizona qui va devenir l'amour de sa vie, je dirais. Ouais. Et là, il va construire Taliesin West. Alors, il va y avoir Taliesin Est qui va être le numéro 3 parce qu'il y a eu ces deux... Un drame et ensuite un incendie, et deux incendies. Alors là, ça va devenir Taliesin West. Et ces Taliesin ne sont pas uniquement des résidences, ce sont des écoles d'architecture où il accueille des finissants, surtout des gens qui ont déjà étudié un peu l'architecture ailleurs. Il va les accueillir pour des séjours plus ou moins longs. Il y en a qui ont passé jusqu'à 7 ans. Ouais. Là. Ouais. Puis il y aura des Québécois, entre autres, on va y revenir dans un instant, Roger Dastou qui ira étudier à Taliesin avec Frank Lloyd Wright. Un mot quand même, avant de parler de cet aspect-là, de l'école que ce sera, l'école formidable que ce sera, ce lieu, un mot sur une autre période, mais qui sera aussi très marquante, ces fameuses maisons Hussoniennes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Oui. Ça, c'est à peu près en même temps qu'il fait Falling Water. C'est dans les années 30, là, où c'est il se lance dans ces maisons. Les années 30, c'est parce qu'il y a la crise économique aux États-Unis. Le crash boursier de 1929. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour créer une habitation abordable pour le peuple américain? Quelque chose qui ne sera pas extravagant, qui ne va pas coûter cher, qui est même préfabriqué, démontable. Alors, ce sont ces maisons Hussoniennes. Bon, le terme vient d'abord de Usona, United States of North America. Alors, Usona, mais lui, Usona, il rajoute un I. Alors, Usonia. Et puis, finalement, en français, ça devient maison usonienne. Mais ce sont des maisons en bois. Tout est en bois, préfabriqué, en contreplaqué. Parfois, à l'extérieur, recouvert de planches de cèdre ou de cyprès pour pas que ça pourrisse. Ouais. Mais même les meubles sont conçus par Wright. D'ailleurs, Wright, tout au long de sa carrière, conçoit pour chacun de ces bâtiments, tout le mobilier, les vitraux, les fenêtres, les luminaires, il conçoit tout de A à Z. Et là, il conçoit ces maisons et il en reste quelques-unes de nos jours et elles sont maintenant classées monuments historiques. Oui, et ce sera vraiment important. C'est une des périodes importantes donc de Frank Lloyd Wright. Revenons donc à cette fameuse école, ce fameux atelier en plein désert qui deviendra un lieu très, très important de formation. L'architecte québécois Roger Dastou a fréquenté Taliesin. Il nous parle du type d'enseignement qu'il y a reçu. Par exemple, je me rappelle, je travaillais sur un détail de fenêtre dans l'atelier sur une résidence. Et puis, en regardant le détail, il m'a dit, je crois que ça ne peut pas se faire. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Il dit, c'est très simple. Il dit, vous allez laisser la table à dessin et vous allez vous rendre à l'atelier de menuiserie et vous allez monter une fenêtre comme celle-là. Vous allez voir où est-ce que ça ne va pas. Et c'était le principe d'éducation là-bas, parce que on faisait un stage, évidemment, sur la table à dessin, mais également, le stage, d'ailleurs, sur la table à dessin représentait peut-être le tiers du temps, uniquement. Un autre tiers était consacré à la construction active. Tous les bâtiments sur place étaient faits par les élèves. Donc, on faisait un stage de menuiserie, un stage de maçonnerie. On allait chercher la pierre même à la carrière. Et on travaillait avec des maçons pour monter les murs, on mélangeait les mortiers, on faisait également les toitures. C'est vraiment l'apprentissage. On faisait fondre le goudron, on le mettait en place. C'était son approche très concrète d'apprendre l'architecture. Roger Dastou au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission Gros Plan le 22 juillet 1970. Ça va devenir quoi, François Rémillard, ce lieu, ce laboratoire, ce lieu formidable de formation? Eh bien, ce lieu de formation existe toujours. Alors, c'est toujours une école d'architecture et ça se divise en deux saisons, c'est-à-dire que l'été se passe toujours à Taliesin 3, version 3, au Wisconsin, et Taliesin West en hiver. Ouais. Donc c'est il y a des tables à dessin encore avec des élèves. de nos jours, ça existe encore. C'est fabuleux de voir qu'est-ce que Frank Lloyd Wright a fait avec Taliesin West. Il a construit un auditorium, il y a un cinéma et il y a des pianos partout parce que Frank Lloyd Wright était aussi un musicien. Il jouait très bien du piano. Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage chez nous? On entendait Roger Dastou, il a fréquenté, donc ça c'est un premier héritage. Il ne sera pas le seul. Il y aura quelques disciples de Frank Lloyd Wright qui viennent du Québec et du Canada. Et puis plus largement sur les traces architecturales, est-ce qu'il y a des œuvres de Wright chez nous? Des œuvres de Wright, il en reste une. Parce qu'il y avait un très beau pavillon dans le parc national de Banff, en Alberta, qui a été érigé par Wright en 1911 et qui a été détruit en 1939. Parce que, bon, il y avait eu des inondations et tout ça, puis c'était tout en bois, ça aurait été intéressant quand même de conserver ça. Il reste un chalet à Débarras, en Ontario, sur une île du lac Supérieur, qui est de Wright, et c'est la seule œuvre canadienne qui reste. Il y a eu des projets à Westmount, à Montréal, d'une maison pour un monsieur Shaw, qui a jamais été construit parce que c'était beaucoup trop révolutionnaire pour monsieur Shaw, j'ai l'impression. Ouais. Terminons avec la dernière période de Frank Lloyd Wright, qui sera aussi très, très importante, les années 40-50, la période plus futuriste, puis terminons peut-être sur cet édifice emblématique de cette période, mais qui est avec la Maison des Cascades, Falling Water, l'autre grande œuvre très connue de Frank Lloyd Wright. Je pense évidemment au Guggenheim à New York. Oui. Après la Seconde Guerre mondiale, Wright tombe dans le délire total. C'est l'époque futuriste. Ces bâtiments ont servi de lieu de tournage pour plusieurs films de science-fiction. Qu'on passe au Marin County Civic Center, juste au nord de San Francisco, on regarde ça et on se dit non, c'est pas quelque chose qui est sur la planète Terre, c'est que ça vient d'une autre planète. George Lucas s'en est inspiré dans Star Wars. Et puis, plusieurs bâtiments comme ça, il y a une église orthodoxe qui ressemble à une soucoupe volante. C'est l'époque ronde, c'est l'époque aussi des hexagones, des triangles. Il y a des choses qui ne sont jamais construites parce que c'est complètement flyé, pour employer un terme. Mais Dastou, qui étudie en 53 à Taliesin West, va revenir ici. Il va quand même faire le Château Champlain, l'hôtel Château Champlain, qui s'inspire un peu de cette époque, de ce mouvement, avec toutes ces arcades. On dit souvent que ça rappelle la gare Windsor voisine, mais je pense que même si la gare Windsor n'avait pas été là, il aurait construit ça de la même façon. Ouais. Parce que Wright fait à cette époque beaucoup de bâtiments avec des arches, des arcades très ronds, très... Et le Guggenheim, ce sera ça, cette rondeur et cette spirale au fond où on défile dans le musée de bas en haut, mais vraiment en empruntant un corridor. C'est complètement révolutionnaire pour un musée. François Rémillard, c'était fascinant. Il faut s'arrêter là-dessus. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci beaucoup. François Rémillard, historien de l'architecture. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.